الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، lors du dernier درس on avait pris deux hadiths comme à notre accoutumée. On avait pris le hadith sur le hilm, qui est l'indulgence, la tolérance, et que c'est un attribut que Allah Azawajal aime avec el-ana, c'est le fait de ne pas se précipiter dans les choses, de prendre le temps de faire les choses et de voir loin dans les conséquences des décisions que l'on prend. والثاني السماحة في البيع والشراء كذلك être souple lors des négoces. D'accord, faciliter aux gens les négoces dans le commerce ou tout autre domaine dans lequel il y aura un échange entre les croyants. واليوم ما زلنا في هذا الفصل هو آداب التعامل بين المؤمنين، le rationnel entre les croyants. ونأخذ الحديث السادس عشر بعد المئة من هذا الكتاب وهو السادس عشر من هذا الفصل. Donc on va prendre le 116e hadith de ce livre qui est le 16e de ce chapitre. يقول الوفاء بالوعد. Et là, ce nouvel attribut, ce nouveau côté dans lequel le musulman doit s'appliquer, c'est être fidèle à ses promesses. Il doit être loyal face à ses promesses. يقول عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا تؤمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم رواه أحمد. Donc selon Ubad ibn Samit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Si vous me garantissez six choses sur vous-même, je vous garantis alors le Jannah. » Six choses. Il dit « Soyez véridique lorsque vous parlez. Soyez fidèle lorsque vous promettez. » Et c'est ça le shahid du hadith. « Et rendez le dépôt lorsqu'il vous est confié. » Préservez votre chasteté, c'est-à-dire préservez vos parties intimes. Baissez le regard et retenez, quand on dit retenez vos mains, ça veut dire retenez-vous de nuire aux autres avec vos mains. Apporté par Ahmed. Alors ce hadith, il regroupe des faits qu'on a déjà cités auparavant. Entre autres, l'intervention que j'avais faite au sujet des gens du Nifaq. Car ce hadith, justement, cite des traits de caractère en opposition à ceux des munafiqins. Aussi, en ce qui concerne la chasteté, et baisser le regard, et de ne pas nuire aux musulmans. Et on a pris le hadith il n'y a pas longtemps, que le musulman, من سلم المسلمون من يديه و من لسانه و يديه. Que le muslim, c'est-à-dire par excellence, c'est celui dont les autres muslims sont à l'abri de sa main, de sa langue et de sa main. Donc ce hadith, c'est un petit peu un briefing de ce qu'on a appris auparavant, en gros. Alors le rapporteur, c'est Ubada ibn Samit, ibn Qais, Ibn Asram al-Ansari. C'est Ansari. C'est les gens d'El Medina. Sa kunya, c'est Abul Walid. Tayyib. Et il a participé à Al-Uqba al-Ula wa-Thaniya wa-Thalitha. c'est lorsque des muslimounes ont affirmé leur islam auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et à l'époque, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Medina, il a fraternisé entre les Ansar et les Muhajirin. Et entre autres, Ubayl ibn Samit a été fraternisé avec Abu Marfad al-Ghanawi. Également, il a participé à la bataille de Badr. Et à toutes les batailles. Ubayl ibn Samit a participé à toutes les batailles. Puis Omar l'a dirigé vers le Cham, ce qu'on appelle la Grande Syrie, pour faire de lui un juge et un enseignant. Puis par la suite, il est parti en Palestine et l'y est mort. Il a dit à l'Auza'i, rahimahullah ta'ala, que le premier qui a été décrété comme juge en Palestine, ça a été lui, Ubayl ibn Samit. Et il est mort, il est mort après Afouane l'année 34 de l'Hégire. Et il est dit qu'il est mort à Jérusalem, alors qu'il avait 72 ans. Radiallahu anhu. Donc pour revenir au hadith, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Admanu li sittan min anfusikum. Donc, il y a 5 choses qu'il veut qu'on lui garantisse. C'est-à-dire que on fasse en sorte de ne pas les enfreindre ou alors de les appliquer. Et celui qui agit de la sorte, bien sûr, ayant le tawhid avec lui, car le tawhid, c'est la base de toute chose, d'adorer Allah Azawajal seul sans rien lui associer, tant dans son adoration que dans ses noms attributs que dans sa seigneurie, souveraineté. On doit l'unifier. Subhana. Et par la suite, on y ajoute des actes ou on en évite certains par lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous garantit l'entrée au paradis. Alors il a dit en premier lieu « Izé haddastum » c'est-à-dire, lorsque vous parlez, soyez véridique, de dire des paroles qui coordonnent avec la vérité, avec les faits, et qu'on soit dans le sérieux ou même dans la plaisanterie. Même quand on plaisante, on doit être véridique. Car il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Waylun, thumma waylun, thumma waylun lillazi yakzibu liudhikan nas. Il a dit malheur, ou malheur, 3 fois à celui qui ment pour faire rire les gens. Donc même si tu fais des blagues, tu fais de l'humour, tu dois être véridique. Tu ne dis pas des choses qui ne coordonnent pas avec les faits. Et lorsque l'on parle, on doit être véridique. Il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Inna sidq yahdi ila al-bir, wa inna al-bir yahdi ila al-jannah, wa inna al-rajul la yazalu yasduku hatta yuktab 'inda Allah siddiqa. Que la véracité amène à la piété, et que la piété amène au paradis, et que la personne ne cesse d'être véridique en parlant, jusqu'à ce qu'il soit nommé auprès d'Allah comme un siddiq, c'est-à-dire un grand véridique. Et ça, vous savez, c'est en opposé à les traits de Munafiqin, qui, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à la rencontre, il est haddatha kazaba, lorsqu'il parle, il ment. Alors, toi, tu dois être véridique. Comme encore le Ta'ala, Ya yuwallazina amanu attaqullaha wa kunu ma'a as-sadiqin. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez du nombre des véridiques. Première chose, lorsque l'on parle, on est véridique. Et c'est important pour le croyant d'être véridique, car le croyant porte la vérité avec lui, et si jamais il ment, cela va entacher le message qu'il transporte, qu'il le veuille ou non. Car à partir du moment où il sera un menteur, les gens ne lui feront pas confiance. Et le jour où il parlera même d'islam, les gens ne lui feront pas confiance. Ensuite, wa'aufu iza wa'attum, c'est-à-dire de remplir les promesses. Lorsqu'on donne des promesses, on doit s'y tenir. Et ça, justement, c'est également à l'opposé des sifats des munafiqin. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ize wa'ada khalafa. Lorsqu'il promet, il enfreint. Donc toi, lorsque tu promets quelque chose, tu te tiens à ta parole. Tu te tiens à ta parole. Et en toute situation, Et quand tu donnes, tu émets des conditions, ou on te met des conditions et que tu les acceptes, tu dois t'y tenir. En toute situation, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie conjugale, que ce soit dans les liens de parenté, dans les liens fraternels avec les ashab, lorsque tu signes des clauses pour n'importe quel accord, tu dois t'en tenir à ce que tu as dit. C'est très important. C'est-à-dire que tu es loyal. D'accord? Tu es loyal. Bien sûr, quand tu promets dans une chose qui est halal, une chose qui est bénéfique. À un moment, si tu as fait une promesse d'une chose qu'il ne faut pas, là, tu dois de délaisser cette promesse-là, mais de compenser ton erreur par une chose meilleure. Pour ne pas que l'on pense que tu es une personne qui n'est pas honnête. Donc, celui qui promet, il tient sa promesse autant que possible. Maintenant, on sait que parfois, ça peut arriver que la personne promette une chose et qu'il lui arrive un contretemps, un imprévu, ou qu'il ne réalise pas dans quoi il s'est engagé. À ce moment-là, il se rétracte, mais il le fait de façon correcte, en clarifiant et en éclaircissant. C'est pas il se sauve comme un voleur et il dit rien. Ensuite, il dit Wa addu idha tmunintum. Lorsqu'on vous confie une chose, vous devez la rendre. On te confie un dépôt, tu te dois de le rendre comme on te l'a donné. Que ce soit de l'argent, que ce soit des objets, que ce soit différentes choses. Et la plus grande amana que Allah nous a donnée, c'est l'islam. C'est le tawhid. Et on se doit, nous, de refléter du mieux possible cet islam aux autres. Car c'est important, c'est une amana. Allah Azawajal nous a mis ambassadeurs comme porte-parole de sa religion. Donc c'est un dépôt qui nous a été confié. Et chacun à son niveau et chacun avec son ilm. Quoi qu'il en soit, ce dépôt, on ne doit pas le trahir. Donc on ne doit pas trahir notre Seigneur. On ne doit pas trahir nos frères et nos sœurs. On ne doit pas trahir, quand je dis nos frères et nos sœurs, c'est en islam. Et bien sûr également, nos familles. On ne doit pas trahir. Un dépôt nous est confié, on doit le conserver autant que possible et le rendre entièrement. Il a dit, Warfazo furujakum, de protéger nos parties intimes, c'est-à-dire de la fornication ou alors de tout acte extra-conjugal, c'est-à-dire un acte de relation intime commis hors mariage. Exception faite pour l'homme avec la femme esclave. Sans quoi cette chasteté doit être préservée. Quand on dit chasteté, ça ne veut pas dire que les hommes et les femmes n'ont pas de rapport, mais c'est qu'ils n'ont des rapports que dans le licite, dans le mariage. Et même la masturbation est interdite. Car la masturbation revient à assouvir un plaisir hors mariage. Et là, on parle l'automasturbation. Maintenant, quand c'est entre conjoints, ça, c'est une chose qui est permise. Mais lorsque la personne le fait elle-même, de sa propre main, ou même si ce n'est pas forcément une main, quelle que soit la façon dont elle s'y prend, elle le fait elle-même, là, ça rentre dans l'interdit. Et bien sûr, parmi les causes qui préservent, qui permettent de rester chaste, c'est ce qu'il dit par la suite, baissez le regard. Ça veut dire qu'il ne nous est pas permis de regarder ce qui nous est interdit. Entre autres, aux hommes de regarder les femmes étrangères. Et dit aux croyants qu'ils baissent le regard et qu'ils gardent leur chasteté. Et dit aux croyantes qu'elles baissent le regard et qu'elles préservent également leur chasteté. Donc ces versets prouvent qu'il est autant interdit à la femme qu'à l'homme de se regarder. Car dans le Coran, Allah Azawajal, il dit dans plusieurs versets, Ya ayyuhal ladhina amanu mathalan taqullaha wa kunu ma sadiqin. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez du nombre des véridiques. Et là, ça concerne tous les croyants, hommes comme femmes. Lorsque dans Coran, il dit Ayyuhal ladhina amanu, où elle, il cite les mu'minoun, cela incite l'homme comme la femme. Mais là, regardez bien, Allah dans le Coran, là, dans les versets du Baissez le regard, il a bien dit Wa kulli mu'minin, et après il dit Wa kulli mu'minat. Il a bien insisté sur le fait que c'est valable pour l'un comme pour l'autre. Il ne faut pas croire que la femme a le droit de regarder des hommes étrangers. Ni. C'est la même chose, ça lui interdit. Et l'endroit où. J'ai déjà fait un rappel par rapport à ça. Masalen, de base, le taswir, c'est interdit. Les femmes n'ont pas le droit de regarder des hommes, même en vidéo. Et les hommes n'ont pas le droit de regarder des femmes, même en vidéo. Que ce soit dans la rue, en présentiel, ou à travers une photo, ou à travers une vidéo, c'est la même chose. Alors qu'à la base, de toute façon, le taswir, c'est interdit. Et ça, c'est parmi les sagesses du taswir. Regardez bien, le call qui interdit le taswir est une sagesse. Car ça empêche de base d'aller regarder ce qui nous est interdit de regarder. Alors qu'aujourd'hui, c'est la fitna du siècle, le taswir. Et aujourd'hui, avec ces gens qui font da'wah sur les réseaux sociaux, qui se montrent, et ben, ça incite les femmes à les regarder. Et je vous dis, ça, c'est valable pour même les savants qui sont âgés. Hein. C'est pareil, il n'y a pas de différence. Hein. Un homme âgé ou un homme jeune, c'est la même chose. Il n'y a aucun dalil qui dit, non, l'âgé, il peut, le jeune, il ne peut pas. Il n'y a aucun. Dans le Coran, il a dit, « Wa kulli mu'minat, yadunna bi absalihina » Il dit au Coran qu'elle baisse le regard. Elle baisse le regard. Et on expliquait que le hadith de Aïcha, qui regardait les Ahbesh qui jouaient dans le masjid avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle regardait le mouvement de foule. Elle ne regardait pas les hommes en eux-mêmes. Tout comme par exemple dans la rue, des fois tu regardes dans la rue, tu vois les gens qui bougent, tu les regardes, tu les vois les gens. Tu arrives même à distinguer un homme d'une femme. Mais tu n'es pas en train de fixer une femme, tout comme la femme n'est pas en train de fixer un homme pour lui-même. C'est un mouvement de foule, un mouvement général. Ah, donc ne pas croire que cela est permis pour la femme. De toute façon, dans les durus qui sur la fornication, on a développé sur la question. D'accord. Et regardez aujourd'hui, la plus grande des fitna qu'il y a entre les hommes et les femmes, c'est le regard, de toute façon. Ça commence par là. Ça commence par le regard, de toute façon. On ne peut tomber dans un mal plus grand que ce n'est qu'on s'est déjà vu au préalable. Ça n'arrive pas dans le noir, ça n'arrive pas par les vocaux, ça commence par le regard. Ça commence par le regard. En tout cas, le regard en fait partie, obligatoirement. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, pour nous garantir le Jannah, de baisser le regard. Autant que possible. Donc il faut que les croyants ils craignent Allah Azawajal, ne pas se donner des fatwas laxistes qui leur permettent de faire ce qu'ils veulent pour leur plaisir. Et soit vous savez, souvent les gens qui sont atteints justement de cette fitna de la masturbation, l'une des plus grandes causes c'est le regard. Ces gens ils baissent pas le regard, ils regardent des vidéos. Ils regardent des femmes ou des femmes qui regardent des hommes, ils regardent des films, ils regardent des choses qui leur sont interdites. Et ça, ça éveille en eux les shahawat. Ou des gens qui travaillent dans la mixité. Tout le temps. D'accord ? Sans quoi une personne qui se préserve autant que possible, biznillah ta'ala, elle est préservée de ce mal. Elle est préservée de ce mal-là. Et celui qui est vraiment atteint de cela, on lui dit, à lui comme à elle, mariez-vous. Mariez-vous. Il n'y a pas d'autre solution. Jeûner, bien évidemment, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité au jeûne, car le jeûne aide à baisser le regard et à baisser les shahawat. Sans quoi, parce que des fois, on reçoit des questions de gens comme ça qui disent « Ouais, je suis atteint de la fitna de la masturbation, je ne sais pas comment faire. » Tu regarderas bien, généralement, ces gens-là sont des gens qui déjà ont un problème dans leur mode de vie de base, ils sont dans un environnement malsain. Ils doivent parler avec des femmes étrangères, regarder des femmes étrangères, ou pareil pour les femmes avec les hommes, ainsi de suite. Ça, sûrement, écoute de la musique, ça doit regarder des films, ça doit aller à la salle de sport, là, il y a plein de femmes habillées, je ne sais comment, ainsi de suite. Il y a des choses qui amènent à cela. Il y a des causes. Donc, plutôt que de dire « je suis atteint de cette fitna-là », on dit « tu es atteint de la fitna à la base du mauvais environnement ». Change-le. Change ton hygiène de vie. Ça serait une première cause. Ah, si tu es sur ton téléphone du matin au soir, regarder des vidéos de femmes maquillées, de mutabarijat, ou ainsi de suite, ou des femmes qui regardent des hommes... Hein, sur les réseaux sociaux, hein, des hommes de belle apparence, sportifs, ce qui s'ensuit, ou même des prédicateurs. Hein. Parce que ça peut être un prédicateur, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas plaire, au contraire. D'accord ? Surtout qu'on les voit, ils soignent, ils se font bien beau sur leurs vidéos. Ils savent très bien ce qu'ils font, ces gens-là. Ils savent très bien ce qu'ils font, ces gens-là. Donc le jour où il y a une histoire ou une chose bizarre qui arrive, on dira, vous avez allumé la mèche, de base. La mèche, elle est allumée, et la mèche, elle a pris ce qui arrivait au bâton de dynamite qui a explosé. Malheureusement. Donc là, c'est un hadith pour venir quoi ? Pour couper la mèche. C'est-à-dire, même pas, tu ne prends même pas le bâton d'allumette vers la mèche. Tu coupes l'herbe à la racine. D'accord ? Et il n'y a rien à perdre. Hein. Ça te coûte quoi de regarder quelqu'un avec qui tu ne peux rien avoir ? Ça te fait du mal. Et si mais tu regardes pour l'avoir, alors tu vas dans le haram, ça te fera encore plus de mal pour la suite. Ça fera encore plus de mal pour la suite. Ensuite, il a dit « Wakufu aidiakum ». Kufu aidiakum, c'est le fait de ne pas nuire par notre main à quiconque. Et cela par la violence, soit par le vol, que soit par la détérioration, et ce qui s'ensuit. Et là, vous voyez, c'est encore un point qu'on a cité il n'y a pas longtemps. Par exemple, ce que des gens font avec leurs mains, les sports de combat. C'est la mode actuellement, depuis les dernières années. Surtout le MMA. D'accord ? Le MMA qui est un sport de combat extrêmement violent, extrêmement dangereux, et qui est haram. Ça frappe au visage, ça blesse. Vous voyez les conséquences de ce genre de sport. La boxe thaïlandaise, et tous ces sports-là, où ça frappe et où ça blesse. La lutte, ça reste permis. Car les Sahaba ont fait de la lutte. Donc ça, en dedans, le judo, peut-être même le jiu-jitsu. D'accord ? Tant qu'il n'y a pas de nuisance corporelle. Mais les autres sports de combat, où ça frappe, ça met des coups de pied, ça met des coups de poing, en gros, des coups de genoux, des coups de coude, tout ce qui s'ensuit, ça, c'est pas permis. Ni de le pratiquer, et ni de le regarder. Surtout que ces gens-là, à la base, ils ont leur awra qui est makshufa. Ils sont nus, ces gens-là. D'accord ? Les parties de leur corps qui apparaissent, elles sont interdites à regarder. Tant pour les hommes que pour les femmes. Et encore pire quand c'est des femmes qui pratiquent ce genre de sport. Alors là, c'est pire encore. Les femmes qui font du MMA, c'est pire encore. Mais quoi qu'il en soit, le musulman de base, même demain, on dit que tu t'entraînes à un sport ou quoi qu'est-ce, avec ta main, tu ne tends pas ta main vers ton frère et encore moins pour le frapper au visage ou lui porter des coups sur son corps ou je ne sais où. Et ni de voler, et ni d'agresser, et ni d'abîmer les affaires des gens. Il y a du son chez vous toujours ? Attendez. Donc, ces mains, Allah Azzawajal nous a donné pour faire du bien avec et non pas pour faire du mal. Donc là, on retient ces six choses. D'être véridique, de tenir nos promesses, nos engagements. De rendre le dépôt, de rester chaste, de baisser le regard et de ne pas nuire autrui avec nos mains. Et quand on dit main, ça rentre dedans tout le reste du corps. Hein, les pieds, la langue également rentre dedans, la langue. Yaqul fawaid al-hadith. Ithbat wujud al-jannati wa anna laha a'malan tuwassal ilayha. Ce qui prouve que le jannah est créé et qu'il y a des actes qui permettent d'y parvenir. ثانياً الحث على الصدق وملازمته في الحديث في حديث الناس ومعاملتهم ومن عرف ومن عرف بصدق كان محل ثقة في الناس et que cela nous incite à être véridique lorsque l'on parle avec les gens et que celui qui est connu pour être véridique les gens lui font confiance. ثالثاً وجوب الوفاء بالوعد وهو من أخلاق الأنبياء والصالحين que l'on doit tenir nos promesses et que cela est parmi les comportements des prophètes et des gens de droiture. Rabi'an al-amr bi adal amana fil amwal wal aqwal wal muhafazati ala huquq an-nas et qu'on doit rendre le dépôt qu'il s'agisse de biens qu'il s'agisse également de droits des gens. Les droits des gens, on doit les respecter, on doit les rendre. Khamisan al-amr bi hifz al-faraj bi sitr wa ta'affuf an al-haram et d'être chaste et de préserver nos parties intimes de l'illicite. Sadisan wujub ghad al-basar wa kuffihi amma la yahillu an-nazar ilayhi et qui doit nous obliger à baisser le regard et de ne pas le porter sur ce qui nous est interdit. سابعا الأمر بكف الأيدي عن الكسب المحرم ومنعها من العدوان et qui nous est interdit de par nos mains d'obtenir un gagne-pain qui soit illicite. Ça veut dire que ta main, tu ne nuis pas à autrui et tu ne te nuis pas à toi-même. Et tu ne fais aucun travail qui t'amène un salaire qui soit haram. Entre autres, on disait tout à l'heure, par exemple, le MMA. Ces combattants de MMA, professionnels ou quoi, l'argent qu'ils en tirent, cet argent, il est haram. Tu les vois riches, aisés, cet argent-là n'a aucune valeur pendant la sangelle. C'est que du haram qu'ils mangent. C'est que du haram. Ils ont beau acheter de la nourriture halal, ce qui s'en suit, ça revient au même. Savoir une chose, manger du haram, c'est pas forcément manger, par exemple, je sais pas moi, la viande qui n'est pas halal. C'est même acheter de la viande halal avec de l'argent haram. Ça revient au même. Tu as consommé du haram. Parce que t'en as, ils se disent, ouais, j'ai acheté AVS ou je ne sais quoi. Mais ton argent, tu l'as pris d'où? Cet argent avec lequel tu as acheté ta viande, avec quoi tu, comment tu l'as obtenu? Il est haram, mais ce que tu vas manger, ça va être haram. Au même titre. Les vêtements que tu vas mettre, ils seront haram. Est-ce que tu vas dépenser pour ta famille? Le sera également. C'est un enchaînement de circonstances ou de conséquences. Thaminan, annaman hafaz ala hadi l'ikhisal, al-sit, wa dawam alayha, wa dawam alayha, dhamanallahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dukhul al-jannah. Et que celui qui se part de ces six caractéristiques, et ce n'est pas à l'occasionnel, c'est il perdure dessus. D'accord? Cela est parmi sa ligne de conduite. En continu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a promis le Jannah. Taïb. Thumma nakhouz al-hadith al-sabi'ashar ba'd al-mi'ah al-sabi'ashar. 117e hadith du kitab et 17e de ce fasl. Wa dham zil wajhain, qui est le blâme de la personne à deux visages. Le caméléon. Les gens, tu ne sais pas qui ils sont. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس معادين خيالهم في الجاهلية خيالهم في الإسلام إذا فقهوا وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه متفق عليه. Donc il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu vois les gens, tu les vois se vanter de leur généalogie. Et pourtant il a dit les meilleurs d'entre eux dans la Jahiliya seront les meilleurs d'entre eux en Islam s'ils s'instruisent. Ou s'instruisent plutôt. Tu verras que les meilleurs des gens dans le commandement, ce sont ceux qui le détestent le plus. C'est-à-dire ceux qui ne veulent pas être décrétés, désignés à ce poste. Et tu verras que les pires des gens, ce sont ceux qui ont une double face. Ceux qui viennent à ces gens avec un visage et à d'autres avec un autre visage. Donc il dit au début, Tajidou Dannas Mu'adin. C'est-à-dire que les gens sont de classes sociales différentes. Et les gens peuvent être de rangs différents. Certaines personnes ont un rang plus haut que d'autres. C'est une réalité. Tu as des gens riches, tu as des gens pauvres, tu as des gens nobles, des gens qui le sont moins. Tu as des gens d'autorité, de pouvoir, et d'autres qui sont dirigés. Et ainsi de suite. Même dans la vie active, tu auras celui qui, par exemple, qui est l'employeur, et tu auras l'employé. Ils n'ont pas le même rang tous les deux. C'est-à-dire que tu vois les gens se vanter de leur affiliation. L'autre, il va dire, moi je suis le fils de un tel, fils de un tel, fils de un tel. Moi je suis de tel et tel pays, de tel et tel contrée. Et à Kaza. On dit, sachez une chose, ta carte d'identité, elle ne te fait pas rentrer au Jannah. Tu peux être une personne qui vient des fa fonds des favelas du Brésil, ou quelqu'un qui est né aux côtés de la Kaaba avec une lignée qui remonte à Quraysh, d'accord, cela ne va rien t'apporter de plus, si ce n'est ton istiqama. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man bata bi amalou, la yusri' bihi nasabou. Celui dont les actes seront mauvais, sa généalogie ne va rien lui apporter. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à ses proches, comme il a dit à sa fille, ya Fatima bint Mohammed. J'ai oublié le terme du hadith. Dans le sens, ma on dirait kim nallah et shay'an. Il a dit à sa fille, il a dit même à sa fille, à sa tante, il a dit à Abbas, il a dit à Quraysh. Il leur a dit, vous-même, agissez par vous-même, car je ne peux rien faire pour vous. À sa propre fille, il a dit, c'est-à-dire, je suis ton père, demande-moi de m'aimer bien ce que tu veux. Mais sache que Yom Al-Qiyama, le fait que je sois ton père, ne va rien t'apporter. Ça ne va rien t'apporter. La seule chose qui va apporter quelque chose à une personne, son tawhid, c'est sa religion. Donc tu peux être le fils du plus grand des savants, ça ne va rien t'apporter. Tu peux être de tel et tel pays, ça ne va rien t'apporter. Tu vois des gens dire, être fiers de leur pays, mettre leur drapeau en l'air, on dit t'es fier de quoi en fait. Déjà à la base, t'es fier d'une chose sur laquelle tu n'as aucun mérite. C'est Allah Zanjé qui a fait que tu es né dans tel pays. Quel effort t'as fourni pour avoir une fierté comme ça? Qu'est-ce que t'as comme fierté? Et encore plus quand c'est un pays, aussi, même s'il est musulman, est-ce que c'est un pays qui applique la charia pour que tu sois fier? Parce que si c'est juste un pays musulman, mais qui est démocratique, ou qui est une république, ou je ne sais quoi d'autre, ça n'a pas de valeur. Tu peux l'emmener ton drapeau en l'air, tu peux le faire gesticuler, ça ne va pas te faire entrer au Jannah. Au contraire, si jamais c'est de l'esprit de nationalisme, cela va te nuire et va te faire rentrer en enfer. Ils me font rire, ces gens-là, tu les vois en France, par exemple. Ils sont là à faire ce qu'ils font, et dès qu'on doit les voir, ils brandissent leur drapeau de leur pays. Moi, je vous dis une chose, je suis un Français. Je suis un Français. Hein. Je vois ça. Comment tu ne veux pas devenir avoir des réflexions racistes et xénophobes? Comment tu ne veux pas avoir une réaction comme ça? Tu dis, mais si tu es fier de ton pays, qu'est-ce que tu fais ici? Explique-moi, qu'est-ce que tu fais ici? T'as traversé la Méditerranée, tu étais prêt à mourir pour venir en France, et là tu viens, tu brandis ton drapeau. Si tu aimes tant ton pays, pourquoi tu l'as quitté? Normalement, quand on a un pays, on l'aime, on ne le quitte pas, à part pour des raisons vraiment extrêmes. Les gens qui ont quitté leur pays malgré eux, ça leur a fait mal. Le Nabi Sassam lui a quitté Mecca, ça lui a fait mal. Ça lui a fait mal. Quand des gens, les gens sont. D'ailleurs, vous savez que parmi parmi les punitions que l'on donne à celui, le bikr, qui aura forniqué, c'est qu'on l'exile de son pays pendant un an. Je ne sais pas si vous imaginez. On t'exile de ton pays pendant un an. Bon, maintenant on sait que les gens qui sont payés de kufr, ils doivent faire la hijra. Taïeb, on est d'accord avec ça. Mais quand bien même tu feras la hijra de ton pays, ça reste ton pays, et ce pays-là, tu as toujours une attache. Il ne faut pas se voiler la face. Même la France, avec ce qu'on y voit comme chose et comme gens, c'est un pays dans lequel on a grandi. Ce pays-là, au fond, on y est attaché. Parce que si on n'était pas attaché, la hijra serait facile, on partirait la minute qui suit. Et quand on serait parti, on n'aurait pas des fois une nostalgie ou des souvenirs. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas seulement permis 3 jours pour celui qui revient de la hijra pour une permission. Parce qu'il sait qu'en revenant, c'est dangereux. Car c'est ton pays. Donc les gens là qui nous font rire avec leur drapeau en l'air, là on dit, ton drapeau range-le s'il te plaît. Et si t'aimes dans ton pays, retourne-y. Encore plus si t'es un musulman et que t'as rien à faire ici, retourne dans ton pays, c'est mieux pour toi mon frère. Alors là t'es pas en train de t'aider en restant ici. Vous imaginez-vous demain, imaginez-vous l'effet inverse. Demain tu vas dans un pays, je sais pas moi, tu vas au Mali par exemple. Tu vas au Mali. Ou tu vas en Algérie, parce que les Algériens, c'est eux, parmi ceux que je vois le plus perdre le drapeau, c'est Algériens et Marocains. Sans vouloir dénigrer les frères Algériens au Maroc, hein, je parle des gens qui agissent mal parmi leur communauté. Demain, tu vas en Algérie. D'accord? Il se passe quelque chose. Et tu commences à prendre le drapeau français, t'es un Français, et tu le secoues dans la rue. J'aimerais bien voir ce qui va se passer à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on va dire dans la rue? va en Algérie, va faire le bazar dans la rue, bloque les rues, va casser, va faire des émeutes, va faire je ne sais quoi, et sort ton drapeau français. Si on t'attrape, je ne te donne pas 2 jours avant que tu sois expulsé du pays. 2 jours. Allah alem. 2 jours avant qu'on t'expulse. Et c'est ça qu'il faut faire. Comme un yokol. Ya Ralib Kun Adib. Toi l'étranger, tiens-toi bien, tu n'es pas dans ton pays. D'accord ? Tu n'es pas dans ton pays. Et ces gens-là qui agissent de la sorte en France, ils salissent l'image des musulmans. Ils salissent l'image des musulmans. Il y a des gens ici qui sont corrects, qui sont droits, qui aiment leur pays, mais qui sont là pour certaines raisons. D'accord ? À cause de ce genre de comportement, il y a un amalgame et d'autres sont critiqués. Malgré eux. Alors qu'ils n'ont pas demandé cela, qu'eux-mêmes blâment cela. Mais sachez que, on est d'accord, ces gens qui agissent de la sorte en général, c'est pas les gens de droiture. Vous n'allez pas voir une seule en djilbab faire ça, ou un frère en kamisba faire ça. Ou des gens qui sont assidus à la salat au masjid faire ça. Généralement, ceux qui agissent de la sorte, on sait déjà c'est quel genre de personne. Mais, malheureusement, ces gens-là, c'est eux qu'on va être en premier plan. Pour servir tout le monde derrière. Donc, quoi qu'il en soit, le shahid, c'est que ton pays, tu peux l'aimer. D'accord ? Et c'est normal que tu l'aimes. Mais cette appartenance à ton pays ne doit pas te rendre hautain et te rendre de croire meilleur qu'un autre ou un autre. D'accord ? Que tu sois malien, que tu sois comorien, que tu sois thaïlandais, que tu sois ce que tu veux, ton pays, le djenna, on ne rentre pas au djenna avec un passeport ou avec une carte d'identité. On y rentre avec des actes. Avec le tawhid, avec des actes. Ce papier-là, ces passeports, ça, c'est des modalités mondaines entre nous. On en a besoin pour se déplacer. Mais aux yeux d'Allah Azawajal, le passeport n'a aucune valeur. Ta carte d'identité n'a aucune valeur. Les drapeaux n'ont aucune valeur. Aucune. Thumma yaqul, khiyalukum fil jahiliya, khiyalukum fil islam, il disait, faqihu. Que les meilleurs dans la jahiliya, d'accord ? Ce sont ceux qui seront les meilleurs en islam s'ils s'instruisent. Ça veut dire que ce sont des gens qui, avant l'istikama, avant l'islam, étaient des gens de bien déjà de base. Et ce hadith prouve une chose que j'ai souvent tendance à répéter. C'est qu'à la base, on a un fond et que ce fond ne changera pas. Donc ça n'a rien de se mentir ou de jouer un rôle. On a des choses en nous qui ne changeront pas. On doit juste tenter de les maîtriser autant que possible. Tu es quelqu'un de nerveux, tu ne seras jamais quelqu'un de calme. Tu es quelqu'un de calme, tu ne seras pas quelqu'un de nerveux. Tu es quelqu'un de peureux, tu ne seras pas courageux. Mais tu vas te lutter pour te donner du courage. Tu es quelqu'un de paresseux, tu ne seras jamais un grand besogneur. Besogneux ou besotupé, comme on dit. Juste, tu feras des efforts pour travailler plus. Mais tu auras toujours en toi cette chose-là qui sera là. Donc, il faut bien se le rappeler, ça. L'être humain, quand tu nais, tu as une base, tu as un tempérament, tu as une nature première. Elle va rester avec toi à vie. Cependant, toi, efforce-toi de la canaliser et de l'utiliser à bon escient. Sache-le, car souvent on voit des gens, lorsqu'ils se rencontrent, surtout par exemple dans le mariage, ils veulent changer l'autre. Ils veulent changer son conjoint, sa conjointe. Tu ne vas pas la changer. Aide-la à se maîtriser, mais tu ne la changeras pas. La personne, tu ne vas pas la changer. Prends-la comme elle est. Si tu ne veux pas l'accepter comme elle est, tu ne seras jamais heureux. Ni homme, ni femme. Mais on ne dit pas qu'il faut cesser d'aller à ses défauts. Mais on dit quand une personne elle a un défaut, sache que ce défaut-là, il ne va pas disparaître, il va être là. Elle va se retenir et un jour, il va réapparaître. Attends-toi à le revoir, ce truc-là. Attends-toi à le revoir. On a un fond, comme ils disent, il y a une expression qui dit « Chasse naturelle, il revient au galop ». Donc on n'a pas de rôle à jouer. Mais on doit quoi ? Faire un effort sur nous, pour nous éduquer et pour nous contrôler et nous améliorer. Mais le fond, il va rester pareil. Sachez-le, pour pas se voiler la face. Donc, les gens, justement, comment on s'améliore ? C'est en islam, en apprenant. « Khiyalakum fil jahiliya, khiyalakum fil islam » disait « Faqihu ». Si tu rentres en islam et que tu t'instruis, tu vas avoir les moyens de pouvoir mieux gérer et mieux canaliser ses défauts. Ou alors, mieux user à bon escient tes qualités et les voir. Car des fois, des qualités, on les a vues qu'une fois qu'on est rentré en islam. On dit, cependant, je ne sais pas que c'est une qualité, ça, à la base. Dans la jahiliya, c'était un défaut. Tu vois qu'en islam, c'est une qualité, en fait. Ou le contraire. Tu as des choses, tu vois que c'était une qualité dans la jahiliya. Et en islam, en fait, c'est pas une qualité d'être comme ça, c'est un défaut. C'est l'islam qui va t'éduquer. Et te faire savoir où tu dois mettre l'accent. Là, si tu veux faire un effort. Et là-dessus, vas-y, c'est encourageant, continue sur ta lignée, par exemple. Mais avec l'irtiseb. Avec l'irtiseb. Donc après, il a dit que tu verras que les gens les plus légitimes d'avoir le pouvoir sont ceux qui détestent le plus de l'avoir. Qui ne veulent pas être mis au pouvoir. Car ils savent c'est quoi la responsabilité d'avoir le pouvoir. D'avoir un poste à haute responsabilité. Là, c'est là que tu vois les gens aujourd'hui, dans la démocratie, tout le monde se présente pour être pour qu'on vote pour lui. Ces gens-là, justement, rien que ça, ça prouve qu'il n'a pas compris. C'est également c'est parmi les preuves qui interdisent la démocratie et les élections démocratiques. Car l'autre, il dit « Votez pour moi, je vais faire, je vais faire. » Tu vas rien faire. Tu auras le pouvoir, une fois que tu auras le pouvoir, ça y est, tu as ce que tu voulais. Et sur 10 promesses, tu vas en tenir que 4, peut-être. Et c'est valable pour les musulmans, hein. Croyez pas que c'est que pour les koufars, hein. Chez les musulmans, c'est pareil, car à la base, la démocratie, c'est une constitution qui est en opposition totale à l'islam. Car la démocratie revient à donner le jument au peuple. La majorité qui l'emporte. Alors que nous, l'islam, le jument, il revient à Allah Azawajal. Le peuple aura beau voter à l'unanimité, on ne changera pas un hukm d'Allah Azawajal. Jamais de la vie. Et les gens qui décident des lois, ce sont les gens au pouvoir. Ça ne revient pas au peuple. Ce sont les gens expérimentés, aptes et fiables qui se concertent entre eux et qui voient les lois établir. Nous, on n'a rien à dire. Et si même ces lois ne vont pas on n'y adhère pas, c'est pas grave, on doit obéir. On doit obéir et patienter. Et obéir dans le marlouf. Même si ça nous déplaît. On doit obéir dans le contentement comme dans la non-satisfaction. Dans les deux. Après, il dit que tu verras les pires des gens, les gens qui ont un double visage. Ceux qui viennent voir des gens avec une face et d'autres personnes avec une autre face. Et ça, c'est des munafiqoun, ces gens-là. Au côté linguistique, ça peut être également au côté dogmatique. Par exemple, les munafiqoun, lorsqu'ils voient les croyants, ils disent « Nous sommes avec vous ». Et quand ils voient leurs shayatines, ils leur disent « Nous sommes avec vous, nous faisons que nous moquer de ces gens-là ». Car le munafiq, Yartika a dit « Celui qui fait apparaître le kufr, l'islam, donc devant toi, il va faire le muslim, et il renferme le kufr. Donc devant les kufars, il va dire « Je suis avec vous ». Et tu as le munafiq au sens linguistique, celui qui te fait apparaître le contraire de ce qu'il pense. Ça peut être un muslim, mais voilà, c'est quelqu'un, il te dit une chose, il ne la pense pas. Dans plein de domaines. T'as raison, alors qu'au fond de lui, il dit, il sait que t'as tort. J'aime bien ça, il n'aime pas ça. Je suis avec toi, alors qu'il n'est pas avec toi. Ainsi de suite. Mauvais conseil, mauvaise directive. Et ainsi de suite. Hypocrite. Il te dit, moi je suis quelqu'un comme ça, alors qu'il n'est pas comme ça. Oh, t'inquiète, moi je suis pas comme ça, Harry, alors qu'il est comme ça. Et ainsi de suite. Et les plus grands Wajain à cette époque, c'est des hommes politiques. Comme on disait tout à l'heure. Parce que ce sont des gens à la base, ils veulent quoi? Ils veulent le pouvoir. Donc ils veulent plaire aux gens. Et ça, ce qui amène à faire cela, justement, c'est la démocratie. Car comme tu veux des voix, bah comment tu vas avoir des voix? Il faut que tu rassembles le plus de monde possible. Donc il faut que tu plaises à tout le monde. Alors que tu ne peux pas plaire à tout le monde, c'est pas possible. Donc ils vont voir les gens avec un discours pour les amadouer. Et voir d'autres personnes avec un autre discours pour les amadouer, pour que chacun vote pour lui. Donc maintenant, quand tu as fait une promesse à Bleu, t'as fait une promesse à Marc, t'as fait une promesse à Luc, t'as fait une promesse à Antoine, t'as fait une promesse à Mohamed, t'as fait une promesse à Ibrahim, t'as fait une promesse à Sekou, alors que eux tous ils sont divisés. Comment tu vas remplir ta promesse alors que même à la base ils sont pas d'accord entre eux? Comment tu vas être d'accord avec eux tous en même temps? Tu pourras pas. Donc t'as fait quoi? T'as fait le beau parleur pour que ces gens la votent pour toi. Une fois que t'as eu le pouvoir, merci. Alors yaftar alaykoum. Juste ce que je voulais. Et c'est toujours comme ça. Il y a quelques temps, là, on parlait, quand c'était le moment qu'il y avait les élections législatives, là, il y a 2 ans, quand tous les musulmans se précipitaient, enfin tous, afouan, astaghfirullah, quand beaucoup de awam et de juhel et de munharifin et de munafiqin même se précipitaient à vouloir voter LFI, pensaient qu'ils allaient trouver une solution, là, ils osaient tous voter. Il y a quoi de nouveau pour vous maintenant, là, alors qu'il est? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans votre vie en tant que musulman en France? Vous avez tous voté, vous avez gagné quoi? Rien du tout. Vous n'avez rien. Juste aujourd'hui, en plus c'est le bazar pas possible au niveau du gouvernement français. Voilà, ça, c'est même comique. C'est comique ce qui se déroule. Et avant cela, les naïfs de notre communauté sont partis dans les khutbas. Faut aller voter avant la fête de l'Aïd. Faut voter. Toute occasion, faut voter. D'accord, les gens, ils ont voté. À la base, c'est haram. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Vous avez gagné quoi de vos votes, là? Rien du tout. Rien du tout, vous avez rien gagné du tout. Mais bon, les gens, on leur explique, on fait nasiha. Après, comme qu'on est à la walakin la tuhibbu nasihin. Cependant, vous n'aimez pas les gens qui conseillent. Malheureusement. Donc, les pires des gens, ce sont les gens qui ont un double visage. Et t'en vois aussi parmi dans la darwa, des gens qui ont un double visage. Ils vont dire un discours devant toi, par exemple devant leur caméra, dans leurs audios, et en privé, ils sont des gens différents. Ils n'ont rien à voir. Autant ils vont te faire apparaître à Salafia des beaux discours, cher un tel, cher un tel, cher un tel, et en vrai, en coulisses, il est quelqu'un d'autre. Il joue un jeu pour appâter les gens vers lui. Car le Zouadjane, c'est quoi son but? C'est de se faire bien voir auprès des gens pour les tromper. Pour les tromper. Et ça, c'est à tous les niveaux. Hein. Autant là aussi, ils font le Zouadjane à quel moment? Avant de se marier. Ils vont se marier, ils ont vu une soeur qui leur plaît. La soeur, elle a des conditions, elle a certaines choses. Ben, il va dire, oui, t'inquiète pas, je suis comme ça. Ou le contraire. Un frère, il a une soeur, il a fait une khitba, elle lui plaît. Ou plutôt, ce frère plaît à cette soeur-là. Le frère, elle dit, moi, je veux ça. Oui. Parce qu'elle veut le frère. Donc, elle se donne un visage, elle se donne une certaine pudeur qu'elle n'a pas forcément en vrai. Elle se donne, voilà. Et une fois qu'ils sont mariés, comme vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe? La vérité, le naturel revient au galop. Et là, c'est la déception. Pour l'un comme pour l'autre. Pourquoi? Car il a fait The Wojain. Pour avoir quelque chose qu'il voulait. Donc, on se rappelle le verset. Yayu lazina manut tekullaha wa kun ma sadiqin. Ok, vous qui avez cru, craignez Allah, soyez avec le véridique. Et tu sais, si jamais tu veux te marier avec une sœur et qu'elle a des choses que tu n'as pas, dis non! Dis non! Ne t'avance pas vers elle. Tu ne lui conviens pas. Même si elle est belle, mashallah, te plaît, elle a un profil particulier, tu ne rentres pas dedans. Ah, tu dis, je suis pas comme ça. Et pareil pour les sœurs. Vous voyez un frère, il a des critères. Vous ne rentrez pas dedans. Faites pas un forcing pour dire, moi, je vais rentrer dans le moule de ce frère-là. Tu n'es pas comme ça. Ça va arriver à des catastrophes par la suite. Des disputes et des guerres. Souvent des relations qui vont mal finir. Pourquoi? Parce que depuis le début, ça a mal commencé. Ça a commencé sur la tromperie. Ça a commencé par un manque de véracité et un manque de clarté. Résultat, ça a mal fini. Il est un yasha'Allah. Taïb, yakoul. Fawaid al-Hadith. Bayen taqsim al-Nas ila maratib min haythu hasabihim. Que les gens se divisent, on va dire, il y a différentes classes sociales. Ça, c'est vrai. Il y a différentes classes sociales. T'as les gens aisés, t'as les gens qui le sont moins, t'as les gens haut placés, t'as des gens qui le sont moins, et ainsi de suite. T'as les gens de famille honorable, des gens de famille moins honorable, et ainsi de suite. Thaniyan, an tafakhur wal mamnou'. أما التفاضل فإن الله يفضل بعض الأجناس على بعض جنس العرب أفضل من جنس العجم ولكن إذا كان العربي غير متقين والعجمي متقيا فالعجمي عند الله أكرم من العربي. Il dit, et ce qui est interdit, c'est de se vanter. C'est de se vanter. Sans quoi, Allah Azza wa Jal, oui, il a des préférences. Des gens entre d'autres. Des personnes entre d'autres. Ainsi de suite. Et même dans les ethnies. Et par exemple, de façon générale, c'est une réalité que Cheikh Islam l'avait dit, que l'ethnie la plus honorable, c'est l'ethnie des Arabes. Et dans quel sens? Non pas que les Arabes, chaque Arabe est meilleur qu'un non-Arabe, mais l'Arabe, c'est auprès d'eux, en leur sein, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu, c'est de leur langue que le Coran est descendu. Et c'est sur leur terre que la révélation est descendue également. Et la plupart des gens qui ont fait du bien au début, c'était des Arabes. Le djihad, tout ça, les frontières qui ont été ouvertes, c'était des Arabes. Les Sahaba, la majorité écrasante, étaient des Arabes. Il faut l'admettre. Il faut qu'on arrive à l'admettre. Il ne faut pas commencer à avoir tout dans le neuf, ouais, pourquoi nous, ceci, ceci, cela. Non, c'est une réalité. Il faut l'admettre. Mais est-ce que cela veut dire que chaque arabe est meilleur? Non, tu vas trouver des hajim qui sont meilleurs que des arabes. Trouver des non-arabes meilleurs que des arabes. Et la chose par laquelle les gens s'élèvent, c'est la taqwa. Car le hadith dit bien la fadl ala arabi ala arjami, wala aswad wala abiyad, wala abiyad ala ahmar. Windama bit taqwa. Qu'il n'y a pas de mérite de l'arabe selon l'arabe. Là, on parle de quoi? Au titre individuel. Un arabe n'est pas meilleur qu'un arabe. Mais maintenant, l'ethnie dans son ensemble arabe a été préférée, elle a été plus élevée que les autres. Et ça, on le voit. C'est un fait. Et je sais que t'en as, ça va pas leur plaire, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Maintenant, celui qui n'est pas arabe n'a pas à être frustré. Et sois content de comment Allah Zawajal t'a créé. Il t'a créé noir, sois fier d'être noir. Il t'a créé blanc, sois fier d'être blanc. Accepte-toi tel que tu es. Sois comme tu es. D'accord ? Mais ne te sectarise pas dans ton ethnie ou te victimise dans ton ethnie. Tu es comme tu es, avec qui tu es. Et tes frères seront les gens qui craignent Allah Zawajal, quelle que soit leur ethnie. Tu peux avoir autour de toi des frères, plein de frères noirs, plein de frères blancs, plein de frères maghrébins, plein de frères asiatiques. C'est pas le problème. Inna akramakum indallah atqakum. Le plus noble auprès d'Allah, c'est le plus pieux. Mais on doit admettre, nous, Ummat al-Islam, que l'ethnie qui a été la plus honorée, c'est celle des Arabes. Qu'on le veuille ou non. Je le sens déjà arriver, on va m'appeler le noir-arabe. Ah, je la sens celle-là. Mais bon, al-haq ayyukal. Al-haq ayyukal. Taïb. Après, ils disent. Thalithan, an ashab al-muru'at wa makarim al-akhlaq fil jahiliyah, ils aslamu wa fiqhu fahum khiyar al-nas. Et que les gens des valeurs humaines et des nobles caractères qui avaient déjà cela dans la jahiliyah, lorsqu'ils rentrent en islam et qu'ils s'instruisent, ils deviennent les meilleurs des gens. Et regardez, qui est-ce qui en général se convertit à l'islam alors qu'il est... Ce ne sont pas des arabes. Les arabes à la base, ils sont des musulmans de façon générale. Donc c'est qui? Ce sont des hajim. Et donc, il dit, ils deviennent meilleurs à quel moment? Quand ils rentrent en islam et qu'ils s'instruisent. Donc c'est par là que tu vas t'élever. Par l'islam et par le ilm. Que Allah va élever parmi vous ceux qui ont cru et ceux qui ont eu du ilm en degré. Et tu verras, si jamais tu es un arjami, tu vas surpasser peut-être la majorité écrasante des arabes. Par le ilm que tu auras eu, par ton ikhlas, par le tawhid. Donc il faut bien différencier entre la vision individuelle et la vision générale. Ensuite, il dit Rabi'an anna sharaf al-islami la yutam illa bit tafaqquh fi ad-din, et que la noblesse islamique ne se complète que avec l'instruction religieuse. Thumma qala karahiyat tawalli al-imara wal-hirs 'alayha li su'abat luzum al-'adl wa haml al-nas 'ala daf' al-dhulm. Et qu'il faut détester le fait de vouloir le pouvoir pour la complication que cela implique de pouvoir rester juste et de rester équitable avec les gens, de repousser l'injustice. C'est très difficile. Ça dit un tahdim al-mudahana wal-mukhada'a wa wal-lazi yati ha'oula biwajin wa ha'oula biwajin, qu'il est interdit de faire des concessions ou de tromper les gens en ayant plusieurs visages. Plusieurs faces. Sabian innama kana zul wajhayn shar an-nas lianna halahu hal al-munafiq iz huwa mutamalliq bil batil wa bil kadhib mudkhilun lil fasad bayn an-nas bit taqatu wal udwan wal baghdha wa tanafur. Et que le mal qu'il y a dans celui qui a une double face, un double visage, c'est qu'il est comme un hypocrite. C'est-à-dire qu'il cache sont faux par le mensonge et qui fait rentrer le désordre entre les gens et qui l'amène à la rupture des liens il amène à l'hostilité entre les gens et à la détestation, ce qui s'ensuit, à la division. Et c'est le résultat du Zawajrin. Naam. هذا الذي أخذنا اليوم بيد الدرس نكتفي بيد القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته